Bonjour, monsieur, mes chers amis. Désolé. Voilà. Bonjour, bonsoir. Qu'on arrange un peu, hein? Bonjour, bonsoir. Batou je pense que vous allez bien. Ce qui moyez allez à quoi? Il y a connecter biso directement dans la page Nabino pour que tu discutes moqué. Voilà. Donc, passe à moi une minute moquée, hein, quelques minutes pour que. Bande comme sous basaline on a bisoté ba meka ko kozala ba kota tout cela ouais merci. Dans un monde binon, Marie, ma sonna. Merci. Tu repasses à moi quelques. Disons, tu repasses à 5 minutes. Hein? Pour te repasses à temps, avant de découvrir Bakota. Ursula Ngouma. Merci. Tous allés qu'il y a toujours, hein? Tous allés qu'il y a, tous les bella magambamboka, ça ne va pas. Ça ne va pas. Beryl, merci, beauté. Marie, bonsoir, merci. Hacher, merci. Prof, je ne sais pas si et voilà. Donc, chez Mao, merci Sankara. Oh, comme on a eu Mao, comme on a eu chez, comme on a eu Sankara. Donc, vous savez que ça va combo et belé, hein, mon cher ami. Merci. Voilà. Donc, 5 minutes coquille à cause de la bande de Konabiso. Je pense, oui. Touye awa n'a pas point mi balé et bandeko soki tozali koya ezali po na koluka kolongola banti valeur na mboka na biso. Ce qui va anti valeur, bazali batondi na Congo kuna et pas ya Kabila na et pas Félix, et li kolobate ki na résistance anti valeur bazate bazali et belé. Naibisa Kabino, un patriote un résistant. Ezali kaka bato bozomona te bazobelela tongo pokwa naza résistant nazali boye nazali boye. Il faut koyeba ke ba leader na biso biso moko tozali infiltré. Bokomona ba leader nyonso na koyiko tanga par exemple monsieur Etienne Tshisekedi ya Mulumba, bokoyiko ba Gizenga, tokoyiko loba Fayulu, tokoyiko loba Honoré Mbanda, tokoyiko loba tout le monde oyo bazali ba leader. Ya mboka na biso bazalaki infiltré toujours na bato mususu. Yango wana ngai na lobaki oyo akoyina ngai ayina ngai problème ezati. Mais je me suis décidé, déterminé ya kolobaka ba vérité ezala bazali na ngambo ya Félix, ezala bazali na ngambo na biso ba résistant. Ba anti-valeur bazali, ba infiltré bazali. Lelo toye kolobela ba point mibale, bomoni de na komi, ba ambassade na biso, ba ambassade ya Congo. Na libanda et puis à Pareko. Voilà les alliés bâtis très nabissou. Bande Gonanga et Bakomole. Mes chers amis, na répéta Kaeloko que peut-être tous alliés dans moi, ma différence moke, ya ba culture politique. Bandeko mingi tozali na bango. Na koloba oyo bazali na Congo te, me o bazali na diaspora. Okomona bandeko ebele bavandi na diaspora. 30 ans na diaspora. 40 ans na diaspora. 50 ans na diaspora. 20 ans. 10 ans na diaspora. Bazali ko se vante toujours façon ya ko vivre ya ba place bavandi na kolia na komela. Na kolala. Mais culture. Dans la culture, nous sommes sur la culture politique. Bazali toujours le kola batu bazali ko vivre na Congo. Okomona mutu azali ko kumisa. Azali ko loba mboka na biso. Mupaya nyonso akoyi ko ya akomi ndenga lingi chinois ye lelo. Lobi chinois akomi mokonzi. Chinois akomi congolais. Mendeko oyo azali koloba boye bokomona leader na ye azali na origine douteuse. Soit leader na ye ayebani bien ke azali congolais te. Mena munoko oyo ka papaya oyo bazonyokola biso ba Rwanda bazonyokola biso. Mais leader na ye azali kolanda azali pe mopaya. Soko koti kuna non kuna kokota te ozali jaloux. Ozali jaloux, ozali tribaliste. Ngai nazali na culture politique wana te. Na yebi sa kabino ke nazali na culture moko na mboka oyo. Na mona, je pense à trois reprises, président de la République ya mboka Kore. Président de la République na réseaux sociaux. Ba Koreyen baza na réseaux sociaux moko ya bango lokola eza lokola na loba WhatsApp na bango. Bango abenga ango kato. Kakao talk. Ba Koreyen nyonso bazana ngo. Ba discussion na bango mingi eleka kuna na kakao talk. Na mona discussion ya président de la République ya Corée. Président ya Corée azali un avocat chevronné ya droit de l'homme. To sala na bango na ba organisme droit de l'homme avant comme président. C'est un gars intelligent. Na mona ye à quatre reprises na réseaux sociaux azo swana na mwana ya première secondaire mwana ana posté loko moko ya lokuta pour na président président moni yango président koti babandi ko discuter babandi ko convaincre étudiant wana makambo wana eleki ne ezali ndenge nini batu mususu baye kokota et commis deux camps, opposant ba koti, président pe akoti. Na mesani na ndengwana. Ah non, prof, asa la kaboyete, prof à réseaux sociaux. Le monde aujourd'hui est allé dans les réseaux sociaux. Prof à l'obakaboyete, prof kolandate, batou yo korepondre te kolandate, te. Et si quand on a vendu culture politique et l'ingloba, il faut qu'on réponde. Parce que dans le monde où tu as dit, il y a des tiki rumeur. Rumeur, on est comme la vérité. Oui, na y a des gens qui sont congolais, qui avec nos professeurs congolais, na Congo, na ba université de l'Université na Congo, orgueil. Ya moto mesani tozwi na concept na biso na mutu na biso ke professeur alobaka bongo te professeur a diskita kate professeur a reponda kate ko répondre bango te soki na za stratégie ko répondre ba milouvor te bo kanisa na za isika nini lero ba bomanga kala ba kundanga yi. Mes chers amis, soki toza ko ya ko loba makambo bondi melaka biso, pardon. La senga kabino ilo kwa na bondi melaka biso. On ne vient pas faire de la blague. Na bimana video awa, ça fait je pense 5 mois. Na yana video awa, na lobeli makamba ba ambasadi ya Congo. Bandeko o balanda kinga iso ki bazali awa na live aussi koyo bako iko témoigner. Na bima awa na sala video po na ambasade ya Congo. Na ebisa bino ke ambasade na biso, ba famille na bango. Ba jan ya ambasade na biso na diaspora ba kontakte ngai. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Po tribalisme koti avec Félix. Félix azali ko sala ndenge nini. Na lobaki ndenge wana. Bazali ko tinda mbongo wa fonctionnement ya ambassade na biso te. Félix azo tinda mbongo te. Mais Félix azo sala ndenge nini. Azo po na ba agent na biso ba ambassade partout na monde. Oyo bazali ba luba. Félix azo tinda la bango mbongo na Kintsweki. Soko ozali mo luba te. Bazo tinde la bango mbongo te. Na loba kinde nga na video, bande ko soki bozali awa. Bolanda kingai. Er moko bo sali sakabiso pardon. Bo temwani akape. Bo bomba na kate. Moko ezali mboka na biso. Na moni batu ba finga kingai e bele. Na zali kokosa. Bambasad na biso mbonga fonctionnement ekenda kate. Bajan ya bambasad na biso banda kwa kufute la bazo fute la te. Bakoki pe kosala misala na baijini te paske ba statu na bango. Ba visa na bango ezali ba visa kosala misala te. Na lobaki bongo. Je vous ai dit na Europe bambasad ebele ba kontakta kingai. Na Asie bambasad ebele ba kontakta kingai. Bandeko na bango, po ba yebi sangai, qu'est-ce qui se passe? Félix azo tinda mbongo na baluba, oyo bazali na ambassade. Le reste bazo mone lokote. Bandeko ba finga kingai ba benga kinga tribaliste. Bandeko ba finga kingai ba benga kinga tribaliste. Nazali jaloux, nazali mutema mabe. Na lingi Félix te, yango na zolo bela makambu ya Félix. Mais, mes chers amis, tozali ko ya po na ko détruit Félix te, excusez-moi, je suis en train de chercher un élément, voilà. Bolimbi sangai, tozali ko ya, tozana, nga Félix azan na niveau moko na ngati. Na koye ko za jalousie na Félix te. Naza chomer te. Naza chomer te, naza na misala. Mes chers amis, li kambouana, Félix azali kopona, ba ajan ya ambasade, nabiso azali ba luba, azali kotinda mbongo, c'est vrai. Ya ke batu ya province msusu na ba ambasade, bazana problème ya kolia, mbongo ezate, mbongo fonctionnement ezate, mbongo kufuti la ndako ezate, mbongo kufuti la bana minerval ezate, mebande kuna biso luba ki son dans des ambassades. Ils n'ont pas ces problèmes. Ba fingi ngaye balobi na kosi, alors, bolanda, avant to continuer isolo concernant ba ambassade. Bolanda, oyo azali koloba awa, ezali ministre, ya affaires étrangères, ya Félix Maman Toumba. Mama Koko, oyo Félix Atia, to yebite soa kenda ko zwa ko lokota ye wapi. Avant cela, na oyebi sabino ke mama oyo a intervenir, pourquoi? Ba ambassade na biso ba agent mosusu ba sali memo, ba tinde liye. To yebi, bozali kotinda mbongo, na ba agent, ba collègue na biso ba luba, to yebi. So ki to zwi mbongo a fonctionne mate, to zali ko démissionner biso nyonso. Voilà mama oyo a sali semblant. Loko la yebi probleme te, a yeko sa l'interview na RFI. Bandeko oyo ba finga ki nga yepo na makambo ya ambassade. Boza na conscience ya bo moto. Bo ya ko senga pardon. Bolanda, ezali 2 minutes, Bolanda. Dit que ces alertes n'ont pas été entendues jusque-là. On écoute Marie Toumba-Ziza. C'est effectivement une grande humiliation et pour ne pas la vivre, j'ai fait tout ce que je pouvais faire et même au-delà. Ce sont vraiment toutes les chancelleries de la République démocratique du Congo qui sont concernées et je ne sais pas pourquoi, mais cela n'a jamais quasiment abouti, si ce n'est des petites corrections par-ci, par-là, ça n'a pas... Désolé. Qu'est-ce qui se passe? Ma pasteur, celui de vous. Presque toute l'émission diplomatique de RDC risque d'être jetée dans la rue faute de paiement des loyers. Les frais de fonctionnement n'arrivent plus depuis plus de 8 mois. La ministre d'État en charge des Affaires étrangères dit que ces alertes n'ont pas été entendues jusque-là. On écoute Marie Toumba-Ziza. C'est effectivement une grande humiliation et pour ne pas la vivre, j'ai fait tout ce que je pouvais faire et même au-delà. Ce sont vraiment toutes les chancelleries de la République démocratique du Congo qui sont concernées et je ne sais pas pourquoi, mais cela n'a jamais quasiment abouti, si ce n'est des petites corrections par-ci, par-là, ça n'a pas abouti. D'ailleurs, la preuve, c'est que maintenant, toutes sont quasiment concernées et que toutes leurs occupants risquent d'être mis à la porte d'ici peu. Donc, j'ai présenté le dossier, j'ai été voir le Premier ministre, j'ai tout fait. Je ne sais pas ce que je pouvais faire de plus. Mais les frais de fonctionnement devaient être une priorité pour les diplomates congolais. Pourquoi ce retard? Mais les frais de fonctionnement ne nous arrivent pas à nous non plus, à nous les ministres et autres chefs de département. Mes prédécesseurs avaient des dotations, mais depuis que nous on est là, on n'a jamais eu quoi que ce soit. Lors d'un conseil de ministres, tous mes collègues ont fait front avec moi pour dire que j'avais besoin d'une dotation. Et on a acté cela, que nous allions avoir une dotation. Et bien jusqu'à aujourd'hui, je n'en ai pas. Le blocage, c'est au niveau du budget ou des finances? Je ne peux pas vous dire. Là, il faut leur demander. Moi, je ne sais pas. Mais qu'est-ce que vous allez faire maintenant pour ces diplomates congolais? Mais je vais me lever encore une fois pour aller, j'imagine que tout le monde le sait, mais je vais le faire d'une manière officielle. Je vais revoir le Premier ministre. Certainement, il me dira d'aller voir au budget et aux finances. Je le referai encore et encore jusqu'à ce que quelque chose bouge. Marie Toumba-Ziza, la chef de la diplomatie congolaise. Voilà. Est-ce qu'il y a un pays que pardon? Ça fait 5 mois que j'ai parlé de ça. N'a pas eu qu'on soit pardon. Ce qui a solo bozali bapu. N'a pas eu qu'on soit pardon. N'a pas eu qu'on soit une histoire concernant bapu à l'ambassade Oyo. Il y a 1 semaine, bah, yo contacté ngai. Na neve, il y a un an, c'est qui premier concile, ce qui va bien, premier concile, il y a ambassade Nabisomo quelque part. Concile aye kokuta mama ya bana na ye na ndaku na un congolais a salaka na ba usine a kangi bango na mbetu conseiller a bengi neve na ye ba ya ko beta les garçons neve a ye mama azali ko pesa explication a lobi na sali yango po na lesa yo na bana parce que boyebi oyebi salaire ezalaka te mbongo ezalaka te tozali na bana misatu na sala boni na sali yango parce que mutu oyo azali kopesa ngai mbongo na lesa bana diplomate congolais. Madame Oyobouti Kolanda Ntumba, ministre ya affaires étrangères, azali hypocrite. C'est elle qui reçoit ba mwa ba mbongo oyo ki alobi quelques petits. Ye ceux qui bazui quelques petits wana azali koloba, bazali kotinda ngo na ba diplomate ba luba. Bande ko mususu ba kongole bazali kokufa, bazali ko souffrir na ba ambassade na biso. Il y a quelqu'un qui a écrit ici une précision, qui a nommé ses ambassadeurs. Ce que bon moni mundeko wana komi wana azali milouvor. Ça veut dire que c'est Kabila qui a nommé ses ambassadeurs. Félix a fait 2 ans, troisième année ya motozo kende. Et là on est zangie pour alongo la bango a remplacé l'ambassadeur ya mususu ou ya bino ya kabia kamwanga. C'est la continuité de l'État. Félix vous a dit que Kabila a partenaire na ye. Bon, tout la question, on a qui a nommé ses ambassadeurs, ceux qui, et l'équipe kaka 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, tous ceux qui est en troisième année, mandat, ils ont qui est aussi là, ambassadeur, on a basali sur place, ba diplomate, on a basali sur place, et ne venez pas poser la question qui a nommé ses ambassadeurs. C'est votre frère, c'est votre partenaire Kabila qui les a nommés, et idiot nabino, azali qu'on continue qu'on travaille na bango. Mes chers amis, c'est grave. Ambassade ezali lokola armée. Il faut que traiter bango malamu. Ambassade ezali lokola ba service ya renseignement. Ambassade ezali lokola armée. Ambassade ezali lokola enseignement. Ambassade ezali lokola éducation. Il faut que traiter ba enseignant malamu. Il faut que traiter ba docteur malam. Il faut que traiter ba militaire malam. Il faut que traiter ba diplomate malam. Sinon, et cause à la catastrophique. N'a pas sabino un exemple. Nauti ko somba. Je vous l'ai dit. Nauti ko somba. N'ambassade moko na Europe. Et ça parmi ba ambassade ya mikete. Les second ambassade na pays moko ya Europe parmi ba pays ya minene na Europe. Na uti ko somba ba câble diplomatique. Ya Félix Nyonso. Na sombi ango na combien? 200 euros. Ndeko oya contacta ki ngai pona makambo ndenge ezo ya bon voilà. Nazala moi quelque chose mais nazala ka pena besoin ya moi biloko kuna ya ba communication wana Nyonso ba câble diplomatique. Ya Félix nazala ngo besoin. Ah, problème est que papa, ce qui moi ma kuta izali pour na sala ba photocopie. Na Europe hein, a aussi ngambo ngo sala photocopie. Ah bon, je vous envoie 200 mais tindelanga boye. Na uti ko zwa yango. J'ai acheté ça. Ba câble diplomatique ba teki pour na nzala. Ndeko o azali muluba te. Azana bana. Azo futela ndako na Europe. Boye bien na Europe banda ko ezala ka cher. Azo tangisa bana. Ezali cher, salaire ezate, mbongo de fonctionnement ezate, prime ezate, azamu lubate, ndeko asala nini? Akufa te. 200 euros to tindi. ba cadre diplomatique et yé. Ce que botaye na kati mawa. Mawa, je vous dis mawa. Alors, si ko yo biso, tozali ba aîné, tozali ba jaloux, tozali ba tribaliste, oyo bolandi wana ministre affaires étrangères, ndeko na bino, milouvol. Oyo na loba ki ya 5 mois, textuellement denga lobi yango, ndenge na lobela ki yango. Alors, nazali toujours jaloux, nazali toujours tribaliste, nazali toujours aîné, bouyaka toujours, cuisinier toujours, Sony. Sony. A détaillé un mot, ba diplomate bazali banda, mais ba lobi mbongo ezate, ministère d'affaires étrangères, bazo pesa bango mbongo fonctionnement, ya ba ambassade te. Mais, bozo akona na Kinshasa, ba mbongo Félix azo utilisé, voyage à Félix moko kaka, et koyi ko sali sa ko futa mbongo fonctionnement ya ba ambassade na biso nyonso Europe. Voyage à Félix moko kaka. 2 millions de dollars ya voyage à Félix moko. Et qu'il faut servir un frais de fonctionnement de l'ambassade dans l'Union sur l'Europe. Qui bloque mon ambassade? Nani azali ko bloqué? Boyo yi kuna réserve nationale vide. Mon yi zana réserve nationale yoko kako sali samboka na biso te pendant 3 mois. Vide. Mama oyo même a beleli. Afundi chef na ye mbongo ezate. Mais pour na Félix mbongo va voyage ezali. Pour na Félix mbongo salaire ezo kende. 2 070 000 dollars ezo kende. Kabila 680 000 dollars ezo kende. Ba président ba parlement ba 100 000 dollars ya parlement na sénat ezo kende. Ba conseiller Félix 24 000 dollars chaque mois ezo kende. Mais mbongo ya fonctionnement ya ba diplomate ezate. Les diplomates sont des idiots. Cher diplomate ya Congo, bisika bozali, soki bozali kolandanga, bozali ba idio. Même bino ba diplomate, bo vandi na diaspora, bo yebi ba droit na binote. Bo yebi ba droit na binote, bo zole la lena na kintweki, ndeko tindelanga mwa 100 euros, awa mwaye zate, mwa na fièvre, o vandi na Europa, mwa na fièvre, ndeko mwaye zate, ata mwa 200 euros, ozali idio. Mbongo na yo ezangite, mbongo na yo ezali. Mbongo na yo ya mwana bazali kozwa bazo pesa Félix a voyage nango. Mbongo na yo ya mwana bazo futa ba conseiller, o bazo lala ba pongi, misala na bazali na ba bar, na ba night club na Kinshasa. Mbongo na yo ya mwana bazo futa mboso, mkodia mboa. Mbongo na yo ya mwana bazo futa oyu msusu batiena na sena. Alors, il faut zala idiot, oya ko senga ba simple citoyen, ba zali ko souffrir na malili na hiver, ba kabela yo 100 dollars, ba kabela yo 50 euros, ozali idiot, parce que yebi ba droit na yote. Oui, soko zali diplomate siko zali ozola nangai, ozali ndeko diplomate siko zali ozola nangai, ozali idiot, ozali idiot. Ozobi benga diplomate, oyebi droit na yote. Oui, moi. Ministre Nabina Outikolo Bangam na lobite. 8 mois. Bozwa kambongo te. Et lokote. Voire même avant 8 mois. Barriere ezali. Barriere ezali. Qu'est-ce qui vous manque bokanga ba porte? Bokanga ba porte. Changez vos visas. Boke nego sala mosala bo boko la bana. C'est tout. Parce que ce n'est pas Félix à s'occuper de ma problème na binon. Yete. To yebi sa kabino bo yokakate. Boko yanga mboa. Parce que na tango tozali ko loba, tozali ko yebi sa binon. Bozoma na ke tozali ko sala blague. Oyo siko tango na loba ki yango. Tomona ke ba commentaire te. Se kona vi ezali ko finga, lokuta menteur. Alors, le lobo loba siko nani menteur. Ngai. Votre ministre a outi koloba yango ye moko. Rien, rien ne va. Bazo kanga ba porte. Bandeko, bana ba diplomate na biso bakomi bandumba. Basi na bango bakomi bandumba. Histoire na zoi sabino diplomate ou yoye okanga mama ya bana na ye. Na ndaku na mbeku. Avec un Congolais asala kana ba hygiene. discussion est bandi. Diplomate a zo calmé neve na yeko beta été. Mbongo a pesa ki yo combien? 1000 euros. Ah, 1000 euros. Hein? Diplomate a calmé neve na ye. Eza la entre bicho. Ou aza mwasi na ngana bala. Na mona yo soute. Et se Congolais na yu une demande. Kasia zong se langa mbongo nanga. Na yepe na sale loko te esquize. Parce que mes vidéos eza pona banda te. Na yakipe na sale loko te. Na outu ko kota ne na chambre. Ya ye okanga bicho. Alors, azong sa mbongo nanga 1000 euros. Diplomate à l'obini. Diplomate à l'obi, mbongo ane gozonga te. Diplomate à botoli mbongo. Diplomate à botoli mbongo, yambanda. À botoli babengani mbanda kei. Les garçons demandent mbongo na ye zonga. Parce qu'ils avaient un contrat entre ye na madame. Mbongo na ye zonga. Diplomate à botoli. À botoli pour l'année. Parce que diplomate à mouni ango une occasion. Félix Akindi la ye l'okote. Les Congolais aillent na façon wana aillent na 1000 euros. Diplomate à CPD. Rien ne marche au pays. Mes chers amis, rien ne marche. Oyo nyoso bozomona, oyo bazali ko finga, bazali ko loba. Mes chers amis, ils allaient juste pour sauver la tribu. Rien ne marche. Réserve nationale vide. Et l'autre exacte, bah oh bah il y a une réserve nationale, t'es allé place bah bah bon bah quand bon on y a un konzo, bon on a basé la kangote, bon on est bimaka en cas de problème, y a mboka, négrito zaire na ba famille, moins 10 euros, moins 10 dollars, t'es allé bon bah quand, na butu moins na fièvre, beaucoup y a quoi que de courir, passer y a les binons na famille, sur une bon on se exacte pour courir, pays peut t'osera kana ba bon on y a un dengo ana, vide, Félix Asilisi, Kabila tika ki 1,8 milliard de dollars. Félix a siri si amo era kota ki na 6 mois mbongo na nyose siri. Lelo banque centrale déclaré et lobby réserve nationale au rouge mbongo ezate mbongo eke wapi mbongo eke wapi mbongo ezate mbongo eke wapi Félix ba voyage pamba pamba ye salaire zo zangate ba conseiller na ye salaire zo zangate alors Congolais azali kotala comme si mbongo oyo ezali mbongo ya Félix. Ezali mbongo ya Félix te, ezali mbongo ya bandeko ya Félix te, c'est pas pour les pieds du secret wa mulumba tike na bango, ezali mbongo na yo na ngai ya mutu nyoso ya Congolais nyoso. Tala ba diplomate na biso sikoyo. Bo tala ba diplomate na biso sikoyo. Voilà. Toko sala iner lelo. Merci. Toleka na po ya mibale. Apareko. Mandeko na ngai bolimbisa nga ndenge na utiko lobana ebandeli. Peut-être tozali na culture politique mokoti. Ngai nalingi nalingaka ba hypocrite te. Soki na zana problème na yo na koyebisa yo. Soki na moni ndoki na kobelela. Ba tu ba kontakte ngai mususu ba lobi koloba makamba pareko te tika bango ba tu bazoko yeba te ke a pareko ezali moko na biso na resistance soki mbeba ekoti na pareko mbeba wana eko continue tu na resistance na kozongela awa te ba relation na ngai na batu ya pareko na lobaki yango na video o eleki na pareko na yebi bake belete na solola na Honoré Mbanda na solola na Candido Kiki na solola na Marie Ange Sylvie na solola na Patrick Lukika Patrick Lukika na solola na ye abenga kingai po na koyebisa nga ke mokonzi ya pareko kuruto Honoré Mbanda pe a sonam azana bezwa solola na ngai deux fois abengi ngai to solola na nga na Patrick to sololi makambo mususu te. Je ne les connais pas, je l'ignorais. Madame Candide, tu es beaucoup dans la yéna ba réseaux sociaux kakaboye, ndenge to loba kamakamba ba réseaux sociaux ma ba commentaire. Ngana Madame Candide, to tika la kosolola an aparté te biso mi balé, to solola le kambu moko boye, et salema jamais. Na ye kozwa appel na ye, alobi na ngai mokonzi, kuloto Honoré Mbanda, alinga solola na ngai. A tchebiso na contact na kuluto Honoré Mbanda. Par la suite, Claude Honoré Mbanda a eu contacté ngai na privé sans madame Candide. Claude a koufi na lobaki yango na ba vidéo na ngai. O ezoleka batapariko bazali koloba non ya rien makambo ezali malamba ba bengi ngai. Pour me dire, bon, bango nyo sote, kelke batu apareko, ou bazali, toyebi ke baza bat apareko, na apareko eloko ezate, mobulu ezate, ya rien, tozali malamu, na zalaki moutali boswa ko felicite batu apareko, pou na designation ya madame Candide. Na yebi ba structure na bangote, na yebi te kes ki se passe, met o moni communiqué ke madame Candide a été désignée présidente intérimaire ya apareko. Nazala ki parmi bato liboso ya ko félicité apareko pona kola ki sa preuve ya maturité, ya ko félicité famille biologique ya kulutu na biso Honoré Mbanda, ya ko félicité bato apareko nyonso. Na lobaki yango penza toko soutenir bango e molimo wana ya ba congolais, chef a Koffi orchestre Panzani e ko zalate toko soutenir bango. Dimanche leki nazalaki na réunion na batu ya pareko na bata résistance. Na lobaki yango, na sengaki na pareko. Tozali koyoka ba nungu nungu ebele. Na lobaki boye, na sengi na madame Candide. Na kata réunion na madame Candide azalaki, madame Sylvie azalaki. Na sengi na bango, tozoka ba nungu nungu. Bo bomba milingate. Soki likambwe zali, bo luka ba sage, oye bazali libanda ya pareko, baya ko conseiller bino même na culture na biso soki mutu akufi batu ba panzani mais ba camarade ya famille batika laka pona makambo mike mike ba conseiller bango mais avant ba conseiller o ba pesa conseil il faut bola ki sa volonté ya ko loba vérité ke likambo ezali ndeko moko ya pare ko a bengi ngai azali parmi équipe ya likolote mais aza influent azali parmi bato oyo koloto Honoré Mbanda bandai ko solola na bango personnellement alobi na ngai yo koyi koloba boyete ko sala video te na pareko makambo ezate toza na problème te toza kimia oyo lobi wana eza ya solo te na ebisi yendeko soki olobi na pareko makambo ezate nga na kosi eza ya solo te seke bato ya pareko balongoli yo po yeba makambo ezoleka te. Soki ya solo, bango ba yebi ko zali mouto zala ki proche ya kulutu Mbanda. Eke, ozo yeba teke makambo ezali, ndeko, yeba deja ke ba longoli yo. Na li solo na biso na suka ye kondima. Albi, oui, makambo ezali, me yo en tanke kamarade na biso, il fo ya, batu bazo bunda nandaku, il fo ya, ope sa konsey. Na reponda ki ndeko oyo, soki bozo bunda nandaku, ndako eza ko kanga. Ba fenêtre ko kanga bozolo bateke ba problème ezali ngana ko kota ndenge nini soki bo fungoli ngana ndako te il faut ko fungola ndako ke non ndeko yaka awa makambo ezali ozali camarade na biso yako sunga biso mais soki tozoka makelele libanda tozoka boboyi ko fungola ndako to sala ndenge nini po muto akufate to ko belela boya noki na ndako yo tozoka mobulu ezali bo sala noki muto aya ko kufa pamba voilà action ngai. Na explika ki yango, aksyon nga ezalaki ya ko bebisa aparekote. Ya ko panza aparekote. Po na zamu ta aparekote, na ko kota na aparekote. Problem nga ezali ya ko sauve eritage ya kulutu Mbanda. Ba chena na mabelete, to sabote eritage na yete. Bandeko. Na video o na lobe laki. Makambo ya batu ya mutu ya pareko, parmi ba leader ya pareko, o akeyi ko sabote kombo na ngai na kati na bango, ke nazali mutu ya mindele. Toye komo na secrétaire général, nazo tia entre guillemets, secrétaire général Patrick Lokika, aye ko sala intervention na video. Alobi batu bazali koloba makambo ezali na pareko, ezali lukuta. Il est sage, il s'adressait na ngai parce que c'est moi qui est sorti ce problème que na pareko makambo ezali. Alobi tozo tcha na defi batu nyonso boko mona na pareko makambo ezali. Na video na ngako eleki na ebisa ki bino que je mets tout le monde na defi. Boze la soki bakundi koluto soki likambo ezate, botika nga na lokuta na ngai nazali menteur. Seke na kosi na pariko mobulu ezate. Mes chers amis, tomoni communiqué ba nommé madame Candide Okeke-Lokola présidente intérimaire. Communiqué wana bango moko ba pesi ya moto moni to tangi. Présidente AI. Lobby bomoni communiqué ya présidente AI entre guillemets abimisi. Madame Candide Okeke. Na kati kuna ajwi ba décision à nommer batu. Ba décision wana a nommé te ke présidente AI intérimaire a sali décision en tant que présidente ya Pareco. Monsieur Patrick Lukika Oazraki, secrétaire général, a matissé position a commis vice-président. Bandeko. Bomoni na page ya Patrick Lukika. A komi a yebi makambo wana te yandeko Candide Okeke. Patri Lukika o a ye na video ko contredire beso, ko contredire ngai ke na pareko makambo ezate. Eleki kaka butu moko. Eleki butu moko. A ye na video alubi makambo ezate tozali bien, tout va bien, très bien, y a pas de problème. O a zolo ba makambo wana me ma ba preuve ke na biso na pareko mobulu ezali. Ozalaki secrétaire général Bamatisio grade. Aye kobima. Na page na ye a Facebook ezali boke ndembango bo kopi yango peut-être akolongola yango. Aye koloba makambo Candide Okeke asali eza problème. Ce que botangi vous allez comprendre. Mobulu ezali. Honoré Mbanda azali saboté na kati ya pareko. Honoré Mbanda azali saboté na kati ya pareko. Bato o balobaki ke nazali kokosa. Ndeko moko abengi nga parti à Londres. Atindeli nga message en anglais. Prof Tika, aka pareko, bakata pareko, probleme ezate, bakozala malamu, ezali malamu, ya pa de problème, kokota makambo te. Nga soki nazali kokota na makambo yo, nazali kokota pona mémoire ya Mbanda. Mbanda n'appartenait pas à la pareko. Mbanda appartenait au Congolais. Na témoigné yango pour akufite. Monsieur Mbanda ti ake akufi akangi miso. Ayebike na vie na ye. Na dernière minute ya vie na ye. Ya quelqu'un yombi ki la vante. Nazali ko bimate na loba yango parce que akufi lokola batu mususu. Nazali ki proche Mbanda. Nga Mbanda maneko sora nangai. Du vivant ya Mbanda to moni yote. Soki nazali ko intervenir parce que en réalité la pareko ezali patrimoine national na biso. Mbanda azali patrimoine na biso. Azali na famille na biologique. Makambo etali vie na ye privé na famille na ye ezali vie na ye, mais makambo etali politique Mbanda m'appartient. Mais c'est Mbanda m'appartient. Et le kiata mikolomi balete secrétaire général parti Lokika yeko contredire ngai alobi non makambo ezate mobulu ezate mutu bache présidente ai bango mo balobi ai ya alobi ai te bomoni communiquer asali présidente nanya zali lokuta nanya zali lokuta. Nani azali lukuta? Alors, voyez bisangai, nani azali lukuta? Bango balobi problème ezate na kosi. Siko ba communiquer mi balé wana. Bango mi balé te na batu mususu ya pareko na kotanga ba kombote, bomoni soki bokena ba mire na bango bokomona réaction par rapport ya nomination ya changement ya équipe ndenge madame Candide Okeke asali yango. Mes chers amis congolais, eloko na ligne koyeb sabino yango bola nanga bien pardon. Na yebi ke ben compréhension ekozala. Je m'en fous. Na yebi ke tozali na bande ko incompréhension za makasi. Bola nanga malamu. apareko ezali baninga na biso na résistance. Na yisaki bino ke ngasori na kotaki na résistance na kotia mwa avec sincérité. Na kotia mwa avec hypocrisie. Soki nde kwa résistance moko azali na mabe. Toko lobela yango aza oza na mabe tika mabe wana. Na kobaluka na sima yande kwa na tena détruire. J'ai intervenu que membre moko ya apareko azali ko détruire ngai. Parce qu'il m'a proposé que na remplacer. Nga moko na bimisi intention mokote je vais remplacer M. Honoré Mbanda. Na kokokate. Le niveau ya Honoré Mbanda ezala ki likolo. Na kokoka place wana te. Mais ya Mbanda dans moi. Esprit Mbanda dans moi ezali. Bandeko. Présidente intérimaire ou présidente ya pareko na yebie. Madame Candido Keke. Solo la kanaye. C'est une sœur que j'apprécie beaucoup. Sobo moni ba message dans la tine de la gaye avec beaucoup de respect. Bandeko, pardon, so ko zala kanaye compréhension, avant nan balikambo, oyo zwa nan ko pa mai mela, ou bien zwa elamba, tchana mai, maya pio, tchana moutou. Pour e diminuer nan incompréhension wana. Na yebi, ou na zolo ba incompréhension yokota. Je connais Madame Candide. C'est une femme intelligente. A contacté nga na dernière minute que président Honoré Mbanda a singi na yo. Okota na réflexion ou yo tozali ko sala ya résistance. Na kota ki. Bandeko bazali na résistance, bato apareko bazali, bato conseil national ya résistance congolaise pe bazali. Bayebi ba position nanga, na bomba ke lokote. On a discuté na kati concernant koloto Honoré Mbanda. Bayebi ba position nangai. On a discuté na kati to luka un représentant, na biso, na résistance. Bayebi ba position nangai. Soki likambo ezali loba na vérité ko détruire moninga na yote tozali na résistance tozana besoin ya unité ko détruire moninga te eza mabe alors soki pe oniko détruire ye na vérité likambo ye asali likambo ye asalaka loba yango na vérité na kondanaki attitude ya pareko ya ko utiliser méthode ya otozali ko blamer ya IDPS ya bandeko na biso ba milovor. O sala ke loko wana te, ozali mutu ya ndenge wana te, po ba détruire yo, il faut ba sala ka diosha ba kosela yo makambo. Na ye ko remarquer ke dans na kati ya pareko, makambo wana ya ka diosha ezali. Na bomba kango te na kati ya réflexion o na zoe bisabino na lobaki yango. Na lobby, je me retrouve dans une réunion de l'IDPS. Madame Candide, témoin. Madame Marie Sylvie, Ange Sylvie, témoin. Bata Pareko, témoin. Bata Résistance, Papa Montuntu, témoin. J'ai dit, na réunion Oyo, je me retrouve na réunion ya l'IDPS ou bien dégéné. Intolérance. Na yebaki yango te on m'appelle yaka to sangana. Ko sangana oyo to lobana ba vérité na kati na biso bana mboka. To lobana ba vérité ko bomba te. J'ai demandé bolobi to lobaba vérité. Oui ba vérité papa. Na lobi ba vérité ko soane bandi bato bakomi ko fingana. Mais vous avez dit dites la vérité. Wane zali interne ba détail na kopesa yangote. Pourquoi na moni ke kadio se zali na kati ya bandeko na biso ya pareko? Bandeko, vous pouvez croire ba relation to zana mona batu ya pareko. Na zamu ta pareko te. Na zanga moko, na zana groupe moko te. Na zan résistant. Bango ba zaba résistant. Ensemble, il faut to sala et longo to continue. Batu ya pareko ba koutani. Pour la réunion na bango directoire ya pareko bakutani pour la réunion na bango na yebaki yango te nakati kuna na yebi batu baza nakati te. Moi, la personne que je connais, na pari koto so anaye, eza madame Candido Kiki. Bakutani entre bango. Pardon bo landangaye. Pour incompréhension ezalate. Bakutani entre bango. Voilà, un autre vieux papa tika ni kamba pareko. Voilà les problèmes. Natika pourquoi? Parce que je suis impliqué. Nazo expliqué, mais yeko nazo koma papa tika ma kamba pareko. Angelica, vraiment. Vaut mieux que Nicolas là, je pense. Hein? Bima, que Nicolas là. Bato pareko bakutani. Nakati ya bato pareko na bandeko oyo ba yeba ki kuluto honoring bata ba ye. Pour bazwa moi solution sur la marche ya pareko. Ndeko moko proche ya kuluto honoré. Aye koloba iloko boy. Alobi po nangai na moni esprit banda ezalite na kati ya pareko mais na moni yango ezali li banda. Bolimbi sangai, pardon, bolanda, pardon. Ndeko oyo na yebi yete, na kutana na yete. Il semblerait pas avoir un réseau société. Ayebingate, ayebi numéro nangate alobi nazomona esprit banda na kati ya pareko te nazomona yango li banda. Na zana ngo. Na kwa hiko chela bino audio. Alobi na zomo na spring wanda libanda. Batuni ye libanda o zomo na spring wanda epa iwapi. Ndeko oyo alobi. Na zomo na spring wanda epa ya mutu oyo alobaka ba na kote ya, ya ziku na nakore meshe yombi. Automatiquement. Madame Candide réagit. Alobi bino bozolo bakombo ya yombi, boyebite ke yombi azali moto mindele, yombi azali moto George Soros. Voilà pourquoi na yaki na vidéo pour expliquer pourquoi ndenge ni ngana yebaki monsieur George Soros. Intention ya madame Candide ezalakini ya ko détruire, ya ko loba moto oyo bozolo bakombo, George Soros a financé makambo ya ko détruire mboka na biso. Yepe aza mutu ya mutu wala donc yombi pe a détruisa mboka na biso. Et pourtant quand monsieur Soros a intervenu na makambo ya Congo, moi j'étais au Congo na tikala ko yeba yete. Na tikala ko yeba yete. Na zalaki na Congo tango George Soros azo financer makambo ya Congo, nga na zalaki na Congo, na yebite na zalaki na makambo politique te, na zalaki juste un simple citoyen. Bandeko oyo akata pareko oyo bayoki la ngana musika bayoki epa ya madame Candide. Madame Candide oyo azali proche na ngai to sorolaka. Keno mutu wana azali mutu wa mindele, azali mutu wa George Soros, ezali ko détruire ndeko na résistance. Voilà pourquoi na réagissaki, na tangaki kombo na yete na vidéo na ngai ko expliquer comment na kutana na George Soros. Ezala ki pona makamba kongote, ezala pona makamba ya oni. Na kwa hiko bima na oni te, paske George Soros aza na kati. Na kwa hiko bima, kokende koluka financement pona organizasyon na zala ki president, te po George Soros, ye muta aza na makambo wana. Ngai, etala ki makambo humanitaire, organizasyon ya ngai te, batindi ngai, ifo sana boye, na kwa hiko boya te, paske George Soros abomaka Kongo. So ito boye, Madame Candide keke na France azo salanini. Ba Franse ba abomaka kongote, il fallait bima na France parce que ba français ba zobo ma Congo na koyiko vanda na mboka na binoti na bima na zonga na ngana Congo na ko vanda na mboka ba mindele te ye avandi na mboka ba mindele mais il dit na bande ko apareko ke mutu wana za mutu ba mindele mutu wana zale mutu George Soros mais ye avandi na mboka mindele. Mes chers amis, après vidéo na ngai na yeko zwa appel ya madame Candide alimbi sangai. Madame Candide Bengingai, na yebi chie non, nazali awa, quelque part, na aéroport, soki na komi, lobi na ko benga yo. Lobi na ngo Madame Candide Bengingai, nazana ngo awa. Na koyiko chela bino boko yoka. La première question Madame me demande, papa, toza na problème? Na yebi chie me, toza na problème te, est-ce qu'il y a un problème? Tous à la gana yobie, mais tous à la problème te. Bien au contraire, n'am n'a pas tout n'a soit tous à la problème. Abandi ko expliquer problème y a appareko. Ça ne me concerne pas. Et yé okoma na isika ya koloba ke yombi aza mouta mindele. Abi oui na lobaki yango. Na lobaki yango parce que bato ya pareko baza na kolenga. Oh non, Jo Soros apesa ki yombi autant. Abi, Jo Soros apesa ki yombi te. Apesa ki organisation. Apesa ki yombi te. Mes chers amis, olimbi sangai. Yango na lobi makambo a respect entre nous na kati ya résistance. Si réellement bolingi Congo. Madame Candide a parlé pendant 27 minutes. Nazo yoka ye. Soki na tieli bino boko yoka. Nazo yoka ye na lobi e lokote. Elle a parlé pendant 27 minutes. Na 27e minute, a tuninga e soki na zayi na likamba ko loba par rapport oyo ye a lobi. Na bi oui, na zayi likamba ko loba. Na ko banda d'abord na makambu ya yombi aza muta mindele. Mes chers amis, ce que je vous dis, na koyiko tiela bino boko yoka. Madame Candide a katingai. Abi papa, nazan a besoin makambo na milayi milayi te. Nazan a besoin makambo na te. Na yaki kaka juste pour na yebisa yo, ke, en tout cas, ngai, na lenga kate, même Honoré Banda, makambo mbongo wana, Joe Soros, même si ezande wana, mais il faut ko vérifier quoi? Nga nazan explication ko pesa moutou te. Jo Soros apesa ki mbongo wana pona Congo te. Jo Soros apesa ki mbongo wana pona ba organisation oyo nazara ki président. Ezara ki mbongo nanga te. Na mbongo nani Jo Soros apesa ki. Na zwa ta un centime te. Mes chers amis, Madame Candide me dit ceci. Papa naza mutu nanga iza derange, naza makambe bele, naza kolemba, toko continue mokolo mususu, to fixe le rendez-vous, to sola mokolo mususu, me lelo atuka na linko yoka ba makambo wana te. Azwinga 27 minutes. Na lingi koloba. Yemoka lobi. Esko zana likamba koloba. Na banda koloba akati. Na zana bezwa makambu wana te. Tokosola mkolo msu tozo randevu. Mutu nanga yeza biente. Tokosola mkolo msu tozo. Nga bon sa va. Je vous comprends madame. Tokosola mkolo msu. Mes chers amis. Madame Candide. Alobi alembi. Mutu yeza malam biente. Tokosola mkolo msu tozo randevu. Nandimi na ebisiye, phrase wana kaka moko, je vous comprends madame, tosola mokolo mosusu, merci. Madame Candide a continué de parler pendant 24 minutes. Moutou o alembi. Alembi. Tosola mokolo mosusu, na comprendre ye. Tobungi si moutou. Elle est aussi affectée le kola batou mosusu. A katinga na lobate. Mais elle a continué de parler à Junan Liboso 27 minutes. Aye ko continue à Katinga Alingi Kolobate, Toloba Makambote, po Alembi Akende Koko Kopema. Elle a continué de parler pendant 24 minutes. Nalingai ko réagir mabe, nabiban, Azali Ndeko, Azali Mama. J'ai prié Dieu dans un tempérament dans la Kokita pour intervenir. Akati. Pour sortir la cima. 5 minutes après, Ayeko Benganga Lissousou. Pour Ayebisanga, pardon, pour na peut-être Ndenge na Kati Bongo, Ndenge na Lobi Bongo, mais en tout cas, Moutou Nanga Ezali Malamote, pour sortir la cima. Non, c'est Nga Gidea pour sortir la Mkolo Moussousou. Est-ce que moi, Ezali, pour sortir la Lobi? Moi, je pense que tout ça, là, t'es. Et ça, les manque à considération. Manque à considération. Et je vous dis, mes chers amis, dans un découragement, ma cassine a battu, oh, yo, bozo, mona, to libéré mboka, to libéré mboka, to libéré mboka. Ba hypocrite, ba za ibele. Mais pour mboka na biso to kolemba koloba te pour na pareko ndenge na lobi ba tozo ba tika makamba pareko la pareko na parti à personne la pareko ne pas na parti à personne. Mes chers amis, na uti kozwa un conseiller ya Félix tozala kana ye maram makambo ebele na kati ya ndako ye muta pesaka na kati ya pareko. Monsieur Clovis Mbikai. Au moment où ba contact entre bango na pareko babong sa makambo monsieur Clovis Mbikayi azali na Kinshasa na ba correspondance ko senga audience na Félix. Azali na contact na Kinshasa ko senga audience na Félix. Mais il est vice-président ya pareko. Je vous ai dit boze la bakunda kulutu bokomona. Parmi batu, M. Clovis Oyombikayi. Un conseiller m'appelle pour na kotchola. Papa, na yebi kito sorolaka. Mais cette histoire-là d'Apareko, c'est fini. Na peso exemple, vice-président na bango, Mokanda awa, siko nazo mona yango, bazo lekisa yango. Bacha na protocole ya président, azo senga audience na président. Mutu apareko, mbanda, azaga kukufa, bakundiye nante. Mbanda bakundiye nante. Monsieur Mbikayi demande l'audience na Félix, bakende kosolola nini na Félix. Na yebite. Mes chers amis, na yesa kabino er moko ya des histoires ezana batu mususu toza ba camarade de terre. Ma bena ngai parce que na zana attitude moko ko solana moto non so ko sekana moto. Ya des gens là na vie boye to kutani boye. Respect fwe za la moto fwe gumba. Respect fwe za la moto fwe gumba. Pouvez-vous croire honoré Mbanda? Na mboka kufeli na Maroc. Moyen exact à Zalawana. Fou ba rapatrier corps na ye na France. Famille ba sali makasi, ba losala makasi corps ekende. Na France. Ba kende ko pe misa ye timu ko la libération. Ba kende ko chanjo to na ye na mboka na ye abotama. Bozoye ba ke apareko ba dirigeant na ko ya ko binisa bango. Ba deja apareko ba zo contacte gouvernement ya France. Corps ya Paris, ya Mwanda ekende na France te. Pour que bango ba zo attend. Basala nyoso baliko sala pona apareko parce que présence ko kunda monsieur Honoré Mbanda rapidement bon Mbanda kunda akunda misiko yo mutu nyoso apareko akoyiko lo bakoko parce que na kati apareko ya deux groupes groupe moko balobi respect na mutu akufi to lobate to kunda ye groupe mususu balobi te biso même akufi biso tozo continuer kaka to sala makamu na biso les deux groupes bangana bazoka na te bozoka nungu nungu ezali potopoto ezali bitumba ezali. Na groupe oyo bazali kolinga ba continuer kaka ndengwa na même akufi musale zo continuer groupe na kintwe ki bazali ko contacter le gouvernement français corps ya Honoré Mbanda ya na France te. Bokoy ko ndima biloka boy. Moi je vous ai dit liwa ya Mbanda même azala ki malade ça a été précipité avec trahison na kati ya pareko. Soki na loba ki na bino ki nga na go venger, vous croyez que na go venger kaka boye na baloba. Na go venger na batu babomi ye na batu o baza complice ya liwana ye. Mes chers amis, complicité ezali entre Rwanda batu ya Félix na Apareko pona liwa ya kulutu na biso. Bokoyi ko ndima vraiment batu basa la démarche contraire. Pona nini? Parce que matanga e koma molayi. Nzoto na ye ba demarche e umela. Comme ça, groupe oyo bazali kolinga, basala makamu ndenge balingi, basala ngo rapidement. Parce que soki bakundi, tout le monde nakati apareko, groupe oyo mzuna lobi balobi, toze la bakunda, toze la bakunda, toze la bakunda, bokomona, ngana koloba, toze la bakunda. Alors, groupe oyo bazomona ke, bato balobi toze la bakunda. Soki bakundi avant, ba yako binisa makamu mususu. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Corps, il faut y aller. On fait comment? Démarche. Tout bloqué corps. Et il y a nos quittés matang et oumela. C'est ça le vrai problème. Ngana zera bakunda, ngana zera mouta pare kote, monsieur. Ba zera bakunda po. Mais sabotage, ezali, yango tozo dénoncé. Voilà une compréhension de la mission bakongole. Prof, pourquoi aux élites bakunda? Na zera bakunda, si go na yoroba makambo na zoroba. Nazela bakunda, mais yo yebite ke ya une démarche bazo empêcher kore ke na France te. Yo lobito zela. Bon, ngape nazela na kolobate. Siko er bakokunda, so bakunda ngwa après une année. Yo kaka moto ya koloba, pourquoi oloba kite? Yo kaka moto ya koloba, pourquoi oloba kite? Bazela, tozela bakunda. Tozela bakunda. Mais les choses elles sont déjà ba nomination et salami. Est-ce ba nomination ezeli bakunda? Nomination ezeli bakunda te? Ba nomination ezeli bakunda te? Si vous me demandez prof pourquoi ezeli te bakunda? Mais OK ko loba te ba nomination et vanda nanu tozela te bakunda. Congolais. Donc, sans rancune, ce que je dis à propos de madame Candide, en tout cas, na moni ki manque à respect na considération to pesanaka na résistance na biso, manque à respect na place na ngai. Ozui maloba pendant 50 minutes. O tikeli ngai na lobate. Eza manque à respect na zali mutu ifuna réagir. Alors, na lingite batu balanda ngai inbox na koyamba mutu te. Na zana besoin ngoti, na koyamba mutu te. Bola na ngai inbox te. Ce que vous voulez répondre, répondez-moi. Je vais vous dire audio news. Ah. Je vais vous dire audio news. News alors. Je vais vous dire que vous avez un respect exact. Respect exact. Respect exact. Je vais Patrick Lukika era bimi na vidéo. Batu combien ba yenga inbox ah prof tika lukuta omoni Patrick Lukika lobi problème ezate omoni elikika ka butu moko Patrick le même Patrick Lukika revient na poste na yezali on a lobi boke de rapidement Patrick Lukika bokota na kati ya page na Facebook il a posté ce matin ça contredit makambo na ye moko auta ikoloba na vidéo ya de cela un jour nani azali lukuta. Nana zali lokuta. Yango donc Congo na biso franchement des fois to koloba il faut critiquer Félix ou bien il faut pas ko critiquer ye parce que biso moko tozali ko sala makambo oyo tozali ko dénoncer et pas ya Kabila ko dénoncer pas ya Félix. Alors etikali na bato oyo bazali na autorité. Et pas une abîme par les côtés, on a par les côtés, mais pour bon, on va pas par les côtés. Nous, on ne suit pas un dictat, il y a un mot qui a par les côtés, pour tous les membres par les côtés. Ah, à par les côtés, ils ont les cambo, ils ont les barabala. Tous les membres, il faut la dictat, non, il faut que vous ayez une autorisation, non. Nous, on parle. To beleli, to moni ndoki, to beleli. Na moni, na beleli. Na kosi, ce qui na kosi, mot qui a l'oba, kef, na bim sa baudio. Parce que quand je parlais de ça, Patrick Lukika est venu me contredire. Ce n'est pas vrai. Lelo Oyo, nazomo na pardon mon côté. Hein? Nazomo na pardon. Te. Ah, Ozalaki non a raison. Na vidéo na ngalobi na loba kite. Na mon na moto inbox, c'était ah, papa Ozalaki non a raison. Mais Baba dit déjà, ah, Ozalaki n'a raison. Congolais. Alors, libération en Mboka na biso, tous en a formé Moussousou. Ah. Vraiment, il faut épargner dans les blocs, les Congolais, la culture, les gens qui ont été honorés. Ils ont été honorés. Ils ont été honorés. Ils ont été proches de eux, vraiment. Proches de eux. Franchement. Franchement. Sacrifice tato à Zui. Franchement. Pourquoi ils ont été honorés? Pourquoi kuna ba mususu bazo ba ya pas de problème tozali ngbanda il faut to landa net naye to landa bazali ko senga ba audience c'est pas Félix lelo mukande koti na bureau Félix lelo conseiller m'appelle na cadre ya kotchola c'est à pareko laisse tomber prof to yebi qu'est-ce qui se passe dans la lettre zaliawa un tel ya pareko azo senga audience na Félix pour pas que de solani. Bah, qu'est-ce que vous souhaitez? Y a mon alloba qui sourit, bolingi ba poste. Allez-y. Au lieu pour ça la hypocrisie, hypocrisie, na simatata ba tupe, asia kofi, bo si bo bomiye. Boutique à hypocrisie, bo bima bo kende. Félix n'a pas abomi papa naïe. Félix a bon manakita. A quel qui t'a eu pouvoir? Allez-y. Allez-y quand même. Je suis désolé. Je suis désolé. Nazos la réaction. Boyo Baba audio. Merci Mingi et tout ça la négénine. Mokanabiso. Mawa. Sony. Sony, c'est la honte. C'est la honte. Et Botika la madame Bandeko, tout le bateau ça la. Une heure, on est déjà 1h10. Merci Mingi. Isalaki Abino, le petit Mbanda Junior, Dragon Rouge, le grand Mouyaka. Naïe na kata résistance avec vérité, sincérité. Yango bo mona bakadian pembanyo so bako kima. So ye bakake, oza makamba nyamu nyamu na sima. Kima na nzela na ngai. Toti kata a Congolais moko atami bale. Mboke koyi ko kozala libéré na mutu moko bini bale. Toza na besoin groupe ya batute, ba hypocrite. Ba hypocrite. Wa yebi makambo na ngai abimisa. Aza muta Jo Soros. Bo bimisa mikanda. Jo Soros ba rapport e bima. Avec qui il a coopéré na Congo na biso. Nani asia mona kombo ya yombi na kati. Ero na kutu mwana mubola na zo tambu la makolo na njili na zo kenye universite makolo. Ba patrono madofolo mi bale na sima. Mutu wa yebana kena Jo Soros. Ero na loto azo finanse ba de zodi na Congo. Azo tambu na ba patrono madofolo mi bale na sima. Se quel bêtise ça. Mutu wa Jo Soros. Ça veut dire quoi? Bobinisa, mutajo soros ya solo. Bobinisa, ba dokima bozanango. Total. Tiye so akoya. Nga azali Kongole 100%. Ndeko azali kokufa na beni. Bandeko bazali kokata kingo na beni. Bazaba ndeko na ngai. Mutema na ngai zo senye. Nako prefere na kufa mobola. Ndenge nazali boye. Mobola. Kena kene ko trahir. Nako trahir jamais. Mwandambo bongo mukenza bapesanga. Sika nazali kozanga musala osala te. Nazana misala kosala. Na kozanga musala ta juru moko te. Nazali na misala nazo sala. Wezo permetre nga nazwa lipa na lia. Na kato umewami kumba ya batu na mutute. Tata mubimba ndengu wana a sakrifie vina ye. Bozo ndi mavrema ko sabote ye. Bome mamukumba makila na ye na mutu. Me batu babanga rate ya. Tindenge bozo sala makambo na bozo koma baletre audience pour que dokuta na Félix mwanda bimela yo tata ko bimela tata na butu vraiment ponga na yebike mutu so akufi esprit na ye e kendaka na nute baluka baluka na nos environs vraiment abimela binote tindenge bozo sala biloko ko sabote ye boye abimela tata binote na butu voilà merci. Mes chers amis, vraiment merci Mingi. On est ensemble. Nazako Senga, tout réformer résistance. Franchement, il faut tout réformer résistance. Il faut tout réformer résistance. Ça ne va pas. Parce que Bandeko Bele, il faut que tout le monde en aparté. Il faut que tout le monde en aparté. Il faut que corruption morale. Ah, prof, mounia, koloba eloko te, quand même, talakaka, yangwana batu bazo ke neko trahir. Omoni mabe nde kwa zo sala mabe, loba yango bo tele melaye atika mabe wana. Mena tango bozo ke naba group, ba koteri, ba group ya kosola anaparte entre bino. Vous négociez entre vous, bozo tika mabe continue. Voilà ba trahison denge zoleka. Bah écoute aujourd'hui qu'à partir de la famille, M. Honoré Mbanda a été trahi Banda Kala, a yebaki yamo. Mais moi je dirais ici qu'Azaïna voyait Bissaye, il fallait pas attirer Kabamo. Mbanda pouvait rester seul, attendre Mutumusute seul. Il représentait la résistance. Azala qui n'a besoin de bah vice-président, bah Boye, bah Boye. Azala qui n'a besoin de traîtres. Ba traître, ba hypocrite. Merci Mingi, mes chers amis. Boti Kramaram. Merci la paix, au revoir. Mais toujours continuer. Kande Zamakashi. Boti Kramaram, boka pour la vidéo, Nabiso. Et t'okoutani prochainement. Au revoir.